les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Gamozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogamozo.eu. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Ah oui, vous êtes dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Et oui, première diffusion de cette émission Les Vosges samedi. Et c'est à cette date que vous pouvez les retrouver en podcast sur les sites de ces deux radios. Eh bien, nous sommes le samedi 19 mai. Parce qu'il se passe plein de choses dans la période à venir. Alors, tout de suite, hein, on ne va pas du tout bouder son plaisir. Si j'ai un peu de temps, je vous lirai le communiqué de presse que vous pouvez trouver de toute façon sur le site d'Antoine Deltour qui s'appelle tout simplement le site support-antoine.org. LuxLeaks, verdict du deuxième procès en appel. Et bien voilà, la cour d'appel après la décision de la cour de cassation de renvoyer justement le jugement dans les cordes de la cour d'appel puisqu'il a été reconnu le statut de lanceur d'alerte. Et bien, la cour d'appel récemment a constater l'acquittement d'Antoine Deltour. Ah, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur, puisqu'Antoine Deltour a expliqué, notamment dans cette affaire LuxLeaks, comment les règles du jeu européennes au niveau financier soustrayaient à l'économie européenne pas moins de 1000 milliards d'euros en permettant aux grandes entreprises transnationales et un certain nombre d'entreprises françaises bien sûr profitent de ce filon juteux pour se positionner dans certains pays, entre autres la Hollande, l'Irlande, le Luxembourg, où ils ne paient quasiment pas d'impôts, alors que vous tous, artisans, entreprises, vous payez entre 20 et 30% d'impôts sur votre bénéfice, ce qui est normal, puisque Amazon, quand vous faites rouler vos camions sur les routes, eh bien, dites-vous bien qu'effectivement, les actionnaires empochent les dividendes, les bénéfices, mais ce sont les contribuables qui payent vos routes. Voilà, c'est un exemple. Actuellement, il y a d'ailleurs une grande consultation européenne pour avoir un peu vos idées, histoire d'infléchir un peu la campagne électorale de 2019. Alors, j'ai coutume de dire, notamment dans cette période de Coupe d'Europe de foot, eh bien, si le foot, c'était avec les mêmes modalités que la finance, ça veut dire que, de toute façon, des équipes ne seraient autorisées qu'à jouer qu'avec les pieds, d'autres avec les pieds et les mains, et voire certaines d'autoriser à donner des coups de boule. Et voilà. Alors, la consultation européenne, sur la même métaphore, vous avez d'un côté des buts tout étroit, où quasiment aucun ballon ne peut rentrer, et d'autres très très très larges, où là tous les ballons peuvent rentrer, et on vous demande votre avis sur la couleur des poteaux. Voilà. Alors, pour en revenir à notre menu de cette émission des Vosges, samedi du 19 juin, et bien surtout, deux grandes dates, entre autres, eh bien, celle du samedi 9 juin, puisqu'il y aura à Armonville un festival avec plein de choses, plein de groupes, et l'entrée est gratuite, c'est un peu le principe de cette émission. Et ensuite, nous aurons donc Pauline qui nous en parlera par téléphone. Et puis également, on retient toujours la date du samedi 16 juin à Bar-le-Duc, une journée contre la poubelle nucléaire. Alors, le matin pour réfléchir et l'après-midi pour agir. Et puis d'autres dates, eh bien, c'est également concernant des petites bébêtes que vous pourrez voir, notamment dans le secteur de Charmes début juin. Je vous en reparlerai en fin d'émission. Allez, une petite transition musicale avant notre entretien téléphonique concernant donc ce festival du samedi 9 juin à Armonville, ça s'écrit avec un H, H-A-R-M-O-N-V-I-L. C'est entre Neuchâtel et Toul. Et, eh bien, Bar-le-Duc, Bar-le-Duc, c'est la Meuse. Et puis, eh bien, bien sûr, les Buraleurs. Et ben voilà. Ah, l'Europe et la planète, elle le vaut bien. Toujours les mêmes messages. Pour te vendre un pot de crème, on te balance une image au label plastique. Des lolos comme ça, une vie de bling bling. Et moi je gagne pour ça, parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Les biches au silicone, du botox dans les babines. Les boutons, ça se gomme et le scalpel redessine. Oh les greffes aux cheveux, les yeux marrons tout bleus. Elle m'en met plein la vue, et moi je la veux. Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. À coup de liposuction, elle s'amincifion. Les rayons UV pour faire la peau plus dorée. Tes manières, un style, un look, un profil. Un produit télé à rentabiliser. Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Des dollars, parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Chaque fois ce refrain, parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Me fait serrer les poings, parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Chaque fois ce refrain me fait serrer les poings. Des milliers à se faire du fric à la télé. Pendant ce temps-là, ils sont des millions de milliers qui eux n'y peuvent rien, qu'ont plus qu'à espérer que ceux qui le valent bien ne les laissent pas crever. Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Et les autres, alors? Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Les autres, alors? Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Les autres, alors? Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Les autres, alors? Dégueulasse, complètement à chier. Ces connards et ces pétasses qui arrêtent pas de se la jouer. Va falloir que ça change, peut-être même tout casser, pour donner sa chance à l'humanité. Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Les autres alors? Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Les autres alors? Parce qu'elle le vaut bien, elle le vaut bien. Les autres alors? Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour, allô? Oui. Bonjour. Alors, vous allez vous présenter à nos auditeurs de l'émission Les Vosges Samedi concernant justement votre implication dans ce festival du 9 juin à Armonville. Alors, vous êtes ? Donc, je suis Pauline Pillard, bénévole pour le festival et également en charge de la communication pour promouvoir l'événement auprès des radios, des journaux, télévisions. Alors, que va-t-il se passer ce samedi 9 juin à Armonville ? Alors, beaucoup de choses. En fait, la journée débutera dès 15h avec un marché artisanal où nous avons plus d'une quinzaine d'exposants en tout genre, voilà, bijoux, déco, vêtements, porcelaine. Nous aurons également la présence de stands de prévention avec la MAP qui voilà, donnera des petits conseils en prévention auditive, alcool, tout ça. Et également les Poulettes qui sont une association pour le don d'organes qui sera également présente. Et toujours l'après-midi, nous aurons des jeux pour enfants, des balades en poney ou du maquillage, enfants et adultes, donc pour passer une bonne après-midi à Armonville. Et après, nous avons les concerts dès 19h avec 5 groupes. Alors, quels sont-ils ces 5 groupes ? Qui sont-ils ? Alors, nous avons Accord de rue, qui est un groupe de Nancy, de chansons françaises festives. Ensuite, nous aurons Rage Against the Marmot, qui est un groupe festif, dynamique, un petit peu déjanté dans les paroles. Nous aurons Pas Gros Mais Gras, qui est un groupe également festif, c'est vraiment l'ambiance du festival, donc on reste dans cette ambiance. Nous aurons ensuite Flying Orchestra, qui est un groupe de Metz. Voilà, pareil, festif, rock, avec 6 musiciens. Et pour terminer, les capsules. Et voilà. Donc, pour déjà toutes ces prestations, combien cela coûte-t-il ? Eh bien, c'est gratuit, tout est gratuit, que ce soit les jeux ou animations de l'après-midi et les concerts. Voilà, c'est vraiment une volonté de l'association de permettre l'accès à tous en faisant l'entrée libre, gratuite, quoi. Et également un camping gratuit sur place pour ceux qui voudraient rester et profiter de l'ambiance jusque tard dans la nuit. Alors justement, deux questions. Pourquoi cette appellation DAWAT ? Alors ça s'écrit DAWAT. Voilà, c'est ça. Alors en fait, DAWAT, c'est une contraction de DAWA et de WAT. Alors DAWA au sens un peu familier, bazar, désordre, mais dans le sens plutôt faire la fête, s'amuser. Et WAT pour la puissance du son, la musique. Comme ça, voilà, on a un petit peu l'ambiance du festival qui est faire la fête, voilà, autour de la musique et d'autres animations. Et puis, Armonville, est-ce que vous pouvez nous préciser davantage où se trouve ce lieu ? Alors, donc Armonville, c'est dans les Vosges, mais ça se situe entre tous les châteaux, vraiment la frontière du 54, donc pas très loin de Colombey-les-Belles, Et si on veut en savoir davantage pour nos éditeurs, ils peuvent vous retrouver la programmation sur un site ? Oui, donc nous avons un site internet et une page Facebook. Donc en tapant DAWAT Festival dans les moteurs de recherche, on nous trouve facilement. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est surtout dans cette période printanière, avec ce camping gratuit, cette possibilité de se rendre à Armonville à quelques kilomètres, à 15 kilomètres de Neuchâtel, hein, donc on peut mettre son vélo, pourquoi pas, pour ceux qui souhaitent le faire, disons personnellement, sinon le covoiturage est aussi toujours possible. Et donc, c'est effectivement facile de se rendre à Armonville. Donc, la gare à Neuchâtel est à une quinzaine de kilomètres. Il n'y a pas un dénivelé énorme pour venir jusqu'à vous. Non, ça va. Et voilà, après, s'il y a des gens qui recherchent un covoiturage, on peut mettre un mot sur notre page Facebook. On relaiera. Beaucoup de gens viennent de Nancy. Les gens viennent d'un peu partout. En Lorraine, et je pense que c'est facile de s'organiser et on peut aider au besoin. Surtout avec l'état d'esprit de ce festival, avec cette programmation musicale en plus des animations de l'après-midi. Il y a aussi, vous m'a semblé entendre, il y a aussi la possibilité de faire pour les enfants un peu de poney, des balades en poney, des choses comme ça. Il y a des différentes animations. Oui, voilà. Pour les enfants, en fait, on a un partenariat avec le Fort aux Énigmes de Mont-les-Neufs-Château, si je ne dis pas de bêtises, sur la ville, où, qui font en fait des jeux en bois. Donc, nous aurons 5 jeux de cette structure, voilà, pour tout âge. Ensuite, nous aurons également des poneys, voilà, qui permettront de faire un petit tour en village, dans le village. Le poney, par contre, du coup, c'est à partir de 3 ans, je le précise. Voilà, c'est pas pour les tout petits. Et puis des maquillages qui seront faits par les bénévoles pour petits ou grands. Ça plaît également aux grands, le maquillage. Et puis on pourra trouver certainement déjà la troisième compilation des Poulettes, hein, qui est donc une association qui soutient les dons d'organes et de greffes et de reconnaissance aux donneurs. Donc je pense qu'on pourra trouver peut-être cette troisième compilation. Alors, je pense qu'on pourra retrouver leur compile. La prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. Je crois que c'est un petit peu plus tard. Oui, c'est le 22 juin à l'autre canal à Nancy, mais peut-être que c'est... Peut-être. Mais déjà, les deux précédentes sont déjà très bien. Voilà. Et puis sinon, il y aura aussi une buvette et une restauration sur place. Nous aurons de la bière artisanale, l'Agro, qui est une bière de Maxéville. Ah, ben bien sûr. Voilà. Bonjour Lorenz, de la petite sœur. Voilà. Tout à fait. Donc, sa bière sera présente et lui également. Donc, ça nous fait plaisir de le compter parmi nos bénévoles et nos personnes sur place pour participer à cette belle journée. Eh bien, merci à vous pour cette présentation et puis à bientôt. Il y aura un certain nombre d'auditeurs des Vos Chamdis qui seront, c'est sûr, présents à Armonville ce samedi 9 juin. Et bien entendu, après notre entretien, eh bien, un extrait du dernier CD des Accords de rue. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. On y laisse des plumes, on y mouille les yeux. On a le cœur en lune quand on vit à deux. Tout s'écroule un jour, tout revit le lendemain. À s'étouffer d'amour, on n'a plus rien. D'ici là, je voudrais vous parler d'elle et lui, de leur chant de sirène qui ne dure qu'un temps. Tant d'amour qui n'auront jamais assez fleuri au goût de l'éphémère, un peu comme le printemps. Qui n'a jamais pleuré, qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais cherché un jour à plaire. Quand on devient fou, fou de tout son corps, avoir dans son cœur plein d'images encore. D'ici là, je voudrais vous parler d'elle et lui, de leur chant de sirène qui ne dure qu'un temps. Tant d'amour qui n'auront jamais assez fleuri au goût de l'éphémère, un peu comme le printemps. À ces fois où l'on perd, à ces fois où l'on gagne, l'amour, grand mystère qui nous condamne. Prisonnier comme on peut, ou pris dans ses filets, l'amour croît dans les yeux quand on le fait. D'ici là, je voudrais vous parler d'elle et lui, de leur chant de sirène qui ne dure qu'un temps. Tant d'amour qui n'auront jamais assez fleuri au goût de l'éphémère, un peu comme le printemps. Thank you. à Corderue que vous pouvez donc retrouver à Armonville avec d'autres groupes, hein, Flying Orchestra, les Capsules, etc., etc. Et donc le samedi 9 juin. Et puis à partir donc les concerts à partir de 19h l'après-midi, donc ces différentes animations avec la présence également des Poulettes, hein, qui est un collectif qui soutient donc les dons d'organes. Et d'ailleurs ils seront présentes parce que c'est surtout effectivement des jeunes filles, le 22 juin 2018 dans le cadre de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de greffe et de reconnaissance aux donneurs, puisqu'ils présenteront dès 19h à l'autre canal, donc à Nancy, bien sûr, en Meurthe-et-Moselle, ils présenteront leur troisième compilation, surtout avec des groupes dont, alors, il y a une vingtaine de groupes, hein, je ne vais pas vous tous vous les citer, eh ben, on va citer des Vosgiens, entre autres, Kéo Tribote, Philippe Roussel, voilà, les Poulettes récidives, donc, Compile 3 de 19h à partir de 19h à l'autre canal avec 20 groupes et c'est le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Et le samedi qui aura précédé, donc le samedi 16 juin à Bar-le-Duc, le matin pour réfléchir, l'après-midi pour agir, que l'on espère et on le saura, des milliers présents à Bar-le-Duc pour dire qu'effectivement les déchets nucléaires, on n'en veut pas. Surtout sous terre. Et puis également donc d'autres dates dans cette période début juin. Vous avez le 2 juin donc animé avec Oiseau Nature et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Oiseau Nature dans le cadre des activités et des sorties qui sont gratuites pour les adhérents à jour de leur cotisation. Et souvent c'est gratuit pour les autres. Vous avez donc c'est plutôt sur le secteur de Charmes, hein, le samedi 2 juin à 10h sur le parking du supermarché de Match à Charmes, vous avez une observation à vélo de plusieurs espèces d'oiseaux qui vivent en ville. Donc, sinon, vous, donc, les renseignements, c'est en lien avec les petits castors, cpn.petitcastortoutattaché@free.fr. Je vous donne pas tout. Allez, je vous donne le numéro de téléphone 03 29 38 18 70. 03 29 38 18 70. 70, ça ferait 80. Le 3 juin, le dimanche 3 juin, à 8h devant l'église de Chavelot, donc c'est vers le secteur d'Épinal également. Il y a la Moselle au printemps, les haies des prunelliers, les bras morts, les bandes galets, etc., etc., etc. Donc le rendez-vous le dimanche 3 juin à 8h devant l'église de Charmes. Et puis c'est une sortie gratuite. Ainsi que le 16 juin, vous avez également une sortie à 10h à Charmes, à l'espace Clémenceau. Donc c'est la découverte de ces plantes mal aimées au bord de la Moselle, les plantes qui puent, qui grattent et qui pètent. Et c'est aussi en lien avec les petits castors et je vous redonne le numéro de téléphone 03 29 38 18 70 ou 70. C'est une sortie gratuite qui est annulée en cas de pluie. Voilà donc pour les informations. Et avant de nous quitter, ben je vous donne un extrait du communiqué de presse qui a été fait donc dans le cadre de l'affaire LuxLeaks avec Antoine Deltour comme lanceur d'alerte. Antoine Deltour exprime son immense gratitude aux très nombreuses personnes ou organisations qui m'ont soutenu dans cette épreuve et sans lesquelles je n'aurais pas pu mener ce combat. Si j'ai eu la chance de bénéficier d'un large soutien, de nombreux lanceurs d'alerte au combat moins visible connaissent de grandes difficultés. Un cadre légal plus protecteur est donc indispensable. Le projet de directive européenne en faveur des lanceurs d'alerte est un signal encourageant et on espère bien que le secret des affaires ne va pas lui faire la peau. C'est moi qui rajoute hein, cette dernière phrase. Au-delà de son cas personnel, Antoine est conscient que son procès a permis de faire avancer le débat